Section 1. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 4e. Renaissance et réforme. Les Nouveaux Mondes. 1492-1559. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Lu par Christiane Jehanne. Chapitre 1. L'Italie de la Renaissance d'Innocent VIII à la mort de Paul IV. 1484-1559. Première partie, Généralité sur l'Italie de la Renaissance, par Émile Gebhardt. La Renaissance. La Renaissance ne fut point seulement une œuvre de lettrés et d'artistes. Un retour de l'esprit humain à la littérature toute rationnelle et au modèle d'art de l'Antiquité. Elle a été surtout un renouvellement de la vie morale. Une façon nouvelle de concevoir le monde, une théorie originale de la société et de la vie publique, une tradition de liberté dans les rapports du chrétien avec l'Église. L'Italie s'était de bonne heure affranchie de la discipline rigide et des cadres étroits imposés à l'individu par le Moyen-Âge. Elle avait eu dès lors l'esprit réaliste, avait préféré le droit romain à la scolastique. Les expéditions de ces cités maritimes, le commerce des civilisations byzantines et arabes, lui avaient donné la notion claire des choses lointaines. Les agitations, les guerres de classe de ces communes avaient affiné en elle le sens des réalités politiques. L'Italien, dès le Moyen-Âge, obligé par les troubles civils à se tenir toujours en éveil et sur le qui-vive, développa les qualités de souplesse, de méfiance et de ruse naturelles à sa race. Il comprit que l'esprit est une force, la plus grande qui soit au monde. Le premier, dans tout l'Occident, il eut l'esprit moderne. L'individu, partout ailleurs comprimé, apparut donc en Italie comme le libre artisan d'une civilisation fort analogue à celle de l'Antiquité. C'est par la transformation de l'ordre politique que cet individualisme se manifesta d'abord avec le plus d'énergie. La première en date des œuvres de la Renaissance est l'État moderne, le principat absolu. La virtus. Ici, le chef d'État, le tyran, ne règne plus, comme firent les princes du Moyen-Âge par délégation divine, pacte féodal ou tradition de dynastie nationale. Il est un homme nouveau, le maître qui s'est imposé à une commune ou à une province, par violence ou surprise, quelquefois par la valeur des services rendus. Il a une origine seigneuriale, comme les Malatesta ou les Este. Il est un condottiere heureux, comme François Sforza, un banquier habile, comme les Médicis. Il ne vaut que par son génie personnel, ses exploits militaires ou sa diplomatie. Sans cesse visé par les conspirateurs de l'ancien parti communal, par ses voisins, par le pape, l'empereur ou le roi de France. Il est condamné à l'action sans trêve, au despotisme sans mesure. La seule garantie qu'il ait de son pouvoir est la façon même dont il l'exerce. L'idéal de ce régime était connu en Italie depuis Frédéric II. C'est au tyran qu'aboutissent toutes les forces vives de l'État, la justice, les impôts, la police. La patrie est son domaine privé. Sa chancellerie est le centre du réseau administratif enveloppant l'État entier. Ses sujets sont ses fermiers. Son bon plaisir est toute la loi. La virtus est la qualité souveraine du tyran. Le mot ne se peut traduire en aucune langue. Machiavel en donne la théorie dans son Prince. Il prouve cette théorie par l'exemple de César Borgia. Le parfait virtuose est à la fois lion et renard, despote jusqu'à la cruauté, rusé jusqu'à la plus vile fourberie. La loyauté ou la douceur n'ont rien à voir avec la virtu. Celle-ci, d'ailleurs, ne veut que des actions d'éclat, difficiles, ourdies patiemment, accomplies de sang-froid, et quelque grand que soit le crime qui s'y mêle, consommées avec sérénité d'âme et de visage. Le virtuose ne met aucune borne à ses convoitises. Aut caesar, aut nihil. Il ne gâte point sa fortune par une hâte imprudente. Ce qui ne s'est point fait au dîner se fera au souper. Vaincu, désespéré, le virtuose n'abaissera point son orgueil. Quand j'aurai de l'eau jusqu'à la gorge, disait César à Machiavel, je n'implorerai pas l'amitié de ceux qui ne sont pas mes alliés dès aujourd'hui. Il lui suffit d'avoir été un jour l'homme singulier, ou homo singulare, et d'avoir étonné son siècle. Sous le couteau du bourreau, le jeune Olgiato, l'assassin de Galeas Maris Forza, cria « Mors acerba, fama perpetua !» Et en attendant la gloire posthume, le virtuose se sent soutenu par la conscience de ses contemporains. Paul III disait de Cellini, qui tuait parfois dans les rues de Rome, « Les artistes de la valeur de Benvenuto sont supérieurs aux lois communes. » Le comte d'Authiéré et la guerre. Le capitaine mercenaire, chef de soldats d'aventure, est un personnage de première importance dans l'Italie de la Renaissance. L'armée nationale n'existe nulle part dans la péninsule. Les milices communales ont disparu avec les communes. La chevalerie était incompatible avec la tyrannie. Les princes louent des combattants et paient cher le général dont ils se méfient, car ils savent que la campagne finie, il peut passer au service de l'ennemi. Venise, Milan, Florence, Rome s'enlèvent sans cesse l'une à l'autre les meilleurs capitaines. Le comte d'Authiéré est parfois un petit tyran à la solde d'un puissant voisin. Il est vénal, très brave, rompu à toutes les ruses de guerre, maître de sa passion du moment. Ses soldats sont des vagabonds venus de tous les points de la chrétienté. Ils se battent sans enthousiasme pour une cité étrangère. Il les force par la terreur à se battre décemment. Il affecte à l'occasion la modération et la douceur. Le paysan Jacques Sforza disait à son fils François « Ne touche jamais à la femme d'autrui. Ne frappe aucun de tes gens, ou si cela t'arrive, envoie-le aussitôt bien loin. Ne monte jamais un cheval ayant la bouche dure ou sujet à perdre ses fers. » Le comte d'Authiéré a préparé la venue de l'armée moderne. Pour la bande mercenaire, la valeur et l'expérience du général sont un ressort d'autant plus puissant que l'invention des armes à feu a bouleversé la vieille tactique féodale et les conditions d'un siège. Le comte d'Authiéré demeure l'un des grands périls de la tyrannie. Il est prêt pour toute usurpation. César Borgia et Machiavel essayèrent de créer, l'un pour la Romagne, l'autre pour Florence, une armée enrôlée et disciplinée sur le territoire même. Machiavel jugea que César devint redoutable le jour où il leva un homme par maison. Mais ni l'un ni l'autre ne put achever son œuvre. À la veille du sac de Rome, c'est encore sur un comte d'Authiéré, un Médicis, Jean des Bandes Noires, que reposa quelques jours l'espoir de l'Italie. Ce fut le dernier grand capitaine aventurier de la Renaissance. La diplomatie. Les gouvernements italiens comptent sur leur diplomatie plus encore que sur leur force militaire. Chaque État entretient dans toutes les capitales italiennes un orateur, des agents secrets, des espions. Comme en dehors de Venise et de Gênes, la politique dépend partout du caractère et des intérêts du prince, de ses affections ou de ses haines. Le diplomate italien s'attache à scruter l'âme du tyran près duquel il est accrédité. Il en épie les paroles et la physionomie. Il se crée, au palais même, une clientèle d'officieux qui lui livrent les secrets de la maison. Les dépêches d'ambassadeurs sont pleines de révélations d'ordre tout domestique. Mais il importe à Florence de savoir si César est d'humeur joyeuse, à Venise d'être tenu au courant de la santé d'Alexandre VI. À Rome, où s'embrouillent et se dénouent les affaires italiennes, l'action diplomatique est des plus curieuses. Chaque ambassadeur a, dans les conseils du pape, un ou deux représentants officiels de son gouvernement, les cardinaux, ses compatriotes. Il multiplie avec eux les conférences secrètes, risque parfois une visite à quelque cardinal d'un état rival. Il aborde souvent le pontife lui-même, assiste aux cérémonies papales, se mêle au cortège du chef de l'église, se glisse dans son oratoire ou sa chambre à coucher. Les dispacci d'Antonio Giustinian, orateur de Venise près d'Alexandre VI, renferment toute une psychologie de l'église romaine et de son maître. Telle lettre est une scène de haute comédie que Justinian se tienne in generalibus, ou presse le pape de s'ouvrir avec lui de particularibus. S'il veut obtenir quelque confidence, il lui fait l'éloge de César. Le pape sourit, s'épanouit et se livre. Mais qu'une crise grave menace. Alexandre saura prendre un ton très noble. « Parlez librement, ambassadeur, il n'y aura ici que Dieu, moi et vous. » Les orateurs, l'œil et l'oreille toujours aux aguets, sont d'une étonnante activité. Machiavel suit à cheval toute une campagne d'hiver de César en Romagne. Justinian, durant la dernière maladie d'Alexandre VI, confère assidûment avec le cardinal de Naples, dont le roi espagnol est alors l'arbitre de l'Italie. Chaque jour, il dépêche à Venise 3 ou 4 courriers à francs étriers portant le bulletin de santé du pape mourant. Ces diplomates ont évidemment un horizon politique assez borné. Ils mettent tout leur art à déjouer des intrigues de palais ou d'alcôve, à contrecarrer de petites alliances, à se liguer contre un confrère italien, à détruire les chances d'un cardinal papable. Un seul eut alors un génie véritablement politique et sut discerner, au-delà des frontières de Florence et de l'Italie, l'état des affaires européennes. Machiavel. Ses légations et ses voyages au-delà des Alpes lui permirent de prévoir les ambitions et l'avenir des grandes nations, et comme il avait le sentiment historique et le culte littéraire de l'Italie, et se rattachait ainsi à la tradition de Dante et de Pétrarque, il s'efforça, par patriotisme, de comprendre vers quelles alliances devait incliner la diplomatie générale de la péninsule et quelle place son pays pouvait tenir dans le jeu de la société européenne. La papauté, le népotisme. C'est à Rome que le régime tyrannique apparut de la façon la plus originale. Le Saint-Siège était, en outre, la plus ancienne image de l'autorité. Mais depuis 2 siècles, son pouvoir s'était modifié sous l'empire de circonstances irrésistibles. Le pape du Moyen-Âge, sans cesse dépossédé, avait fait place à un prince ecclésiastique, de plus en plus maître de ses états et redoutable aux factions féodales, mais qui chaque jour perdait quelque chose de sa primauté religieuse. Frédéric II et les fraticelles révolutionnaires, Philippe le Bel, Avignon, le schisme, Jean Hus, les conciles du XVe siècle, l'échec des grandes entreprises pontificales telles que la conversion de l'Église grecque et la croisade contre les Turcs précipitèrent la déchéance de l'évêque universel. La papauté se replia donc dans sa puissance temporelle et, suivant l'évolution générale de la péninsule, passa à l'état du principat italien. Leur position centrale et ce qui restait au pape d'autorité mystique sur la chrétienté faisaient d'eux, à la fin du XVe siècle, comme la clé de voûte de toute la politique intérieure et étrangère de l'Italie. Mais sa condition de royauté élective imposait à la papauté un rôle difficile dans le concert italien. Le pape, vieux, privé de la garantie dynastique, était condamné à une perpétuelle défensive. Les cardinaux des précédentes familles pontificales, avides de retrouver une tiare, les nobles qui songeaient au conclave prochain, les princes italiens enlaçaient de 1000 intrigues le chef de l'Église, dont la succession semblait toujours près de s'ouvrir. Le pape, obligé de suivre une politique sans cesse changeante, grâce à la mobilité des intérêts italiens auxquels il touchait, dut, afin d'être le maître de Rome, exercer sur le sacré collège une police terrible, écraser dans le sang tantôt les Colonna, tantôt les Orsini, abattre sans miséricorde ce qui restait de petits tyrans dans l'état ecclésiastique, nouer et dénouer des ligues, trahir le lendemain l'allié de la veille, acheter une infanterie suisse, enfin s'appuyer sur l'étranger, France, Empire ou Espagne. Le Saint-Siège a tourné dans ce cercle de Pie II à Paul IV, entraînant dans son tourbillon la politique de l'Italie entière. Le seul point auquel il s'attacha avec constance, à partir de Sixte IV, fut le népotisme. La tradition en était fort ancienne. Dante accusait déjà un pape Orsini d'enrichir ses oursins. Dans l'Italie princière, ce fut presque une nécessité. par leurs neveux ou leurs fils, dotés de fiefs importants et mariés royalement, les papes créaient à leur profit l'apparence d'une dynastie, agrandissaient en même temps la suzeraineté de l'Église du côté de Naples, de Florence, de Venise. Le népotisme a bouleversé l'Italie sous Sixte IV, Alexandre VI, Léon X, Paul III, Paul IV. Il faillit être mortel à l'Église. Le fils de Sixte IV, Pietro Riario, conçut l'idée de s'assurer la tiare à titre d'héritier du vivant même de son père. César Borgia reprit cette ambition en vue de laquelle Alexandre VI ménageait à son fils l'amitié de Venise. Tout au moins eut-il sécularisé le royaume de Saint-Pierre afin de fonder avec la Romagne, Sienne et Pérouse une souveraineté de l'Italie centrale. J'avais pensé à tout ce qui suivrait la mort du pape et trouvé remède à tout, disait-il à Machiavel, peu de temps après la mort d'Alexandre. Seulement j'avais oublié que lui mort, je pourrais être moi-même moribond. Le sacré collège, sous un tel régime, perdit toute autorité légitime, et à leur tour les cardinaux se livrèrent à la politique. Ils tenaient pour les Orsini, les Colonna, les Rovere, les Borgia, les Médicis ou les Farnèse, s'apprêtaient par des conspirations d'antichambre au conclave, et une fois réunis sous l'invocation du Saint-Esprit, ne songeaient plus qu'à vendre leur vote le plus cher possible. L'élection est menée dès lors par quelques cardinals clients de l'une des grandes puissances. Mais le futur élu doit payer d'avance les électeurs ou leur garantir de fructueuses dignités. Borgia fut ainsi élu par l'intrigue du cardinal Sforza et du cardinal Orsini, dévoués à l'Espagne contre Rovere, que soutenaient la France et Gênes. Il donna à Sforza en argent la charge de plusieurs mulets, son palais et son mobilier, ses bénéfices et la vice-chancellerie de l'Église. À Orsini, ses fiefs, à Colonna, l'abbaye de Subiaco et ses châteaux. À Michael, le riche évêché de Porto. À Savelli, Civita Castelliana. Le patriarche de Venise, dont la tête branlante disait toujours oui, se contenta de 500 ducats. Ces papes fainéants auraient régné en paix sur un sacré collège simoniaque. Les pontifes de la Renaissance condamnés à la politique de famille entrèrent naturellement en guerre avec un grand nombre de leurs cardinaux. À chaque élection, l'élu jurait entre les mains de ceux-ci les capitulations par lesquelles, selon les canons des conciles de Constance et de Bâle, il abdiquait, en faveur du collège, les prérogatives les plus graves du gouvernement de l'Église. Ces conciles avaient cru fonder la monarchie ecclésiastique parlementaire, mais le pape, à peine couronné, oubliait ses serments et rentrait dans la plénitude du pouvoir absolu. De leur côté, les cardinaux se dérobaient à la main du pontife. Chacun d'eux, se considérant comme papable, se défiait de tous ses collègues, recherchait le patronage des États italiens ou de l'étranger, conspirait parfois contre le maître. Enfermés dans leur palais fortifié, où s'abritait à l'occasion une petite armée avec son artillerie, entourés de centaines de valets et de bravi, ils renouvelaient les pires souvenirs de la vieille féodalité romaine. Ils sortaient à cheval, l'épée au flanc, cuirassés, escortés par leurs neveux et leurs spadassins. Ils nourrissaient à leurs portes des gueux prêts à tous les coups de main, protégeaient les criminels par le droit d'asile, entravaient dans leur quartier la justice pontificale. Les bandes des cardinaux Savelli et Colonna se battaient contre les gens du cardinal Labalu. Les princes de l'Église, gorgés de bénéfices, mais ruinés chaque année par les fêtes du carnaval, jouaient du soir au matin tout en redressant d'une main à droite les écarts de la fortune. Telle était Rome aux dernières années du XVe siècle. Le petit clergé s'abandonnait et se riait des saints mystères. Si l'on en croit Luther, les prêtres plaisantaient à l'autel sur l'hostie consacrée. L'Italie ne souffrait pas sensiblement de ce naufrage du christianisme. Après tout, c'était son Église. Il y avait longtemps que les plus graves chrétiens de la péninsule, indifférents aux choses de l'ordre ecclésiastique, s'étaient habitués à communier directement avec Dieu. Mais les ultramontains, français, allemand, espagnol, se trouvaient déconcertés par cette ruine de la foi dans le sanctuaire même de la catholicité. Plus le royaume des vicaires de Jésus-Christ se fortifiait en ce monde, plus l'Église romaine perdait le gouvernement des âmes. Égoïsme du mécénat. Cependant, les papes demeuraient au premier rang parmi les patrons intellectuels de la Renaissance. Le mécénat avait été l'un des effets les plus singuliers de la tyrannie italienne. Le tyran, homme nouveau, fils de ses œuvres, groupe autour de lui ceux dont la noblesse est toute personnelle, artistes, poètes, humanistes. Il leur assure la fortune et la gloire, ils lui rendent la renommée dans le présent et l'avenir. Le mécénat fut non seulement une parure, mais une force d'opinion pour la tyrannie. Il consolait les villes de leur franchise perdue. Il maintenait autour du prince une clientèle dévouée, toujours prête pour le louange, et qui entraînait le sentiment public. On remarquera toutefois que le despotisme, si éclairé qu'il fût, a pris toujours ses précautions contre les libertés de l'esprit. Tous les États ont eu des peintres, des sculpteurs et des architectes, les arts du dessin étant difficilement révolutionnaires. Mais c'est à Venise seulement que les lettrés, les philosophes, les humanistes se sentaient tout à fait à l'aise. L'imprimerie des Aldes devint, au XVIe siècle, le rendez-vous des hommes qui pensaient librement dans toute l'Europe. Ferdinand à Naples, Ludovic le Mort à Milan, ne protègent que des poètes de cour ou de médiocres chroniqueurs. À Florence, autour de Laurent le Magnifique, la philosophie platonicienne, indifférente aux choses contingentes, à la vie publique, reprend ses rêves inoffensifs, mais les Médicis du temps de Léon X laisseront languir Machiavel disgracié. Et l'Arioste, dont la plume semblait trop piquante, n'emportera de son entrevue avec le pape qu'un baiser sacré sur les deux joues. Tous, d'ailleurs, peintres ou poètes, étaient d'accord pour applaudir à la civilisation créée par leur maître. L'Arioste saluait, dans la lignée des Estes, les plus légitimes représentants du principat italien. Le Pinturicchio donnait à une Madone le visage un peu fade de Lucrèce Borgia. Raphaël, fidèle à la sérénité de l'école ombrienne, ne montrait à Léon X que les images d'un christianisme souriant et sûr du lendemain. Seul le peintre de la Sixtine osa présenter à Jules II la gravité de ses sibylles et la tristesse de ses prophètes, mais ce pape, qui eut cependant l'instinct de la grandeur, ne comprit rien au symbole de Michel-Ange. Le concert italien impossible. L'Italie, disait un pape du XVIe siècle, est une lyre à quatre cordes. Rome, Venise, Florence et Milan. Les quatre cordes avaient été un jour d'accord. Depuis Nicolas V, l'harmonie s'était rompue. Chaque fois que l'une de ces puissances devenait le noyau d'un système d'alliance avec les tyrans de second ou de troisième ordre, Ferrare, Bologne, Sienne, Rimini, Urbain, Mantoue, tout le reste de l'Italie s'inquiétait. Une clameur dénonçait le guet-apens tendu à la péninsule et l'établissement projeté de la monarchie unique. Il est bien singulier que l'appréhension d'une royauté italienne ait à ce point troublé les esprits dans le temps où le sentiment de la patrie italienne était le plus étranger à toutes les consciences. Chacun des grands tyrans était soupçonné à son tour. Les Sforza et les Aragon se renvoyaient à la fin du XVe siècle la même accusation. C'était toutefois Venise que l'on redoutait le plus communément, bien qu'elle n'eût qu'un étroit point d'appui sur la terre ferme. Mais elle était riche, en bons termes, avec la France, très forte par sa diplomatie dans les conseils de l'Europe. Guichardin affirme que Cosme de Médicis, aidant François Sforza à devenir tyran de Milan, a sauvé la liberté de toute l'Italie que Venise aurait asservie. Le même historien a écrit cette maxime qui explique bien le préjugé italien contre Venise. La République n'accorde la liberté qu'à ses citoyens propres. Avec Venise, ce n'était point de fédération, mais de vassalage qu'il s'agissait. Un traité passé entre les tyrans de Romagne, les Gonzagues, les Estes, la France et la République de Saint-Maur eût été la ruine des autres princes. L'Italien n'apprendait pas moins l'union de Venise et du Saint-Siège, à cause de l'étroite affinité de ces deux États, où le pouvoir était électif, la société patricienne et les traditions de gouvernement très fixes. Alexandre VI, vers sa fin, eut des tentations d'alliance vénitienne auxquelles la seigneurie, assurée de survivre au Borgia, ne daigna point répondre. Fin de la section 1.